Pénétrez dans les coulisses de la recherche avec la revue Carnet de Sciences. Dans ce sixième numéro, entre phénomènes sociaux et avancées technologiques, un grand dossier sur l'union du sport et de la science. Plongez en eau profonde à la découverte des coquillages, sentinelles des océans. Hissez-vous au pic du Midi, la tête dans les étoiles pour observer notre système solaire. Explorez les mécanismes de la douleur et portez un autre regard sur l'histoire du continent africain. Reportages, photos, entretiens, points de vue à découvrir dans Carnet de Sciences, la revue du CNRS, tous les six mois dans les relais et librairies. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Les eaux remontent à la nuit des temps, puisque les traces du zoo le plus ancien auraient été retrouvées en Égypte vers 1500 avant notre ère. En France, c'est Charlemagne qui a mis officiellement au goût du jour la possession d'animaux sauvages. Qu'on les appelle en tout cas ménagerie, zoo, parc ou jardin zoologique. Ces endroits où l'on présente des animaux non domestiques accompagnent depuis donc longtemps les civilisations humaines, et à l'heure où l'on parle de la sixième extinction de masse et où les rapports sur la biodiversité sont alarmants, quel rôle justement les zoos peuvent-ils jouer? Sont-ils efficaces pour lutter contre l'extinction des espèces animales ou faut-il dénoncer des lieux d'enfermement? C'est le sujet de notre dossier dans un instant, avec vos réactions, vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et à la une de la science aujourd'hui, justement, un rapport mondial pour prendre conscience de l'urgence environnementale. Et oui Mathieu, 1 million d'espèces menacées, 500 000 condamnées, ont fait le tour du premier rapport mondial de l'IPBES sur la biodiversité dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà les zoos, lieu propice à la protection et à la conservation des espèces animales. C'est en tout cas la question posée cet après-midi à mes invités Laurence Paoli, Alexis Lécu et François Moutou. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et bienvenue Laurence Paoli, vous publiez ce livre Zoo, un nouveau pacte avec la nature chez Bûcher Chastel. Vous avez travaillé avec de nombreux zoos, on le verra tout à l'heure, à travers le monde. Zoos ou aquariums hein, d'ailleurs, qui sont devenus, vous l'écrivez, une vitrine d'une biodiversité très fragilisée. On va en parler dans la une de la science dans un instant. Ce sont pour vous des acteurs majeurs dans la défense de la biodiversité, justement? Ce sont des acteurs très importants, ce sont des outils majeurs pour moi, en fait, dans la défense de la biodiversité, et des outils que je trouve pas toujours reconnus à leur juste valeur, en fait. Mm-hmm. Mais ils sont des outils au même titre que les associations, que les institutions qui travaillent justement à défendre cette biodiversité. Vous avez une vision plutôt positive quand même de ces lieux, effectivement. Pas de critique à l'horizon pour vous? Si, il y a une critique principale, incontournable et philosophique qui est la captivité. Mmh. Celle-ci, voilà, une fois qu'on a accepté cette idée-là, je trouve que les résultats qu'ils obtiennent et ce qu'ils font est quelque chose d'extrêmement positif. Ils sont évidemment améliorables, point par point. Oui. En France, par exemple, dans mon livre, je dis qu'il y a un travail qui devrait être plus conséquent sur la recherche. Il y a des zoos qui ne sont pas encore tout à fait aux normes. Continent par continent, c'est pas, évidemment, on n'a pas la même égalité. Mais globalement, je trouve que cette communauté s'est organisée maintenant d'une façon assez remarquable et tend vraiment à porter, je dirais, des efforts incroyables en termes de conservation de biodiversité, et je trouve que ça n'est pas assez dit, pas assez vu, pas assez reconnu, pas assez compris. En tout cas, c'est l'objet de notre discussion cet après-midi avec les auditeurs. Alexis Lécu, vous êtes directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris, vous êtes vétérinaire. Ce parc qui fête les 5 ans de sa réouverture, puisque c'était en 2014, beaucoup doutent encore justement de l'utilité des zoos aujourd'hui. D'où vient ce désamour, on peut employer ce mot-là aussi? D'abord, je pense que c'est sur la définition, vous l'avez dit, au cours de l'histoire, les zoos, c'est pas un truc monolithique, même si l'animal captif est le point commun. Mm-hmm. Ils ont beaucoup évolué, et notamment beaucoup depuis ces 20 dernières années. Et leur fonctionnement, leurs objectifs ont changé énormément. Si c'était très orienté sur le divertissement initialement, maintenant, oui. Il y a quand même d'autres objectifs qui sont de plus en plus importants. Dont l'éducation et la recherche. Exactement. Et voilà, moi j'ai un zoo qui appartient au Muséa, donc il y a un zoo public. Et il doit incarner justement cette mission publique qui est celle de l'éducation, qui est celle de l'amélioration des connaissances. Il faut qu'on donne à chaque citoyen les bonnes informations pour qu'il puisse décider qu'est-ce qu'on fait de ces animaux sauvages qui sont de moins en moins nombreux. François Moutou, vous êtes également vétérinaire et membre de la SNPN, la Société Nationale de la Protection de la Nature. Quel regard vous portez sur les zoos, sur justement cette question de l'aide à la biodiversité? Bien, moi, je pense que si on résume un peu les trois grands objectifs des parcs zoologiques aujourd'hui et entre autres dans notre pays, on a effectivement la conservation, la recherche et la pédagogie qui me paraît essentielle, oui. Puisque quand on conserve dans un zoo des animaux, on ne conserve pas leur milieu. Or, une espèce sauvage, ce sont des individus en interrelation entre eux, avec les autres espèces de leur écosystème et leur milieu. Donc, ceux-là sont soustraits à leur milieu. Mais on peut comprendre que pendant un certain temps, si le milieu est en transition entre une phase de récupération et une phase plus viable, on puisse les mettre de côté. Oui, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais il y a des exemples qu'on pourra développer où on a vraiment sauvé des espèces. Mais ça reste quand même plutôt une exception, mais elle est possible. Et en même temps, en tant que vétérinaire, si je pense à la faune française, si on m'apporte un individu d'une espèce sauvage blessée, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux le soigner si j'ai jamais vu cet animal en captivité avant? Et s'il est viable, mais pas dans la nature, mais s'il peut se reproduire, et si je peux faire une souche captive à partir de lui, est-ce que je dois le sacrifier parce qu'il est plus viable? Ou bien le garder en captivité et avoir avec lui un travail de pédagogie et de recherche qui permettra d'améliorer la position de son espèce, par exemple? On en discute avec les auditeurs, évidemment, il y aura beaucoup de questions à ce sujet. On se retrouve sur franceinter.fr sur la question des eaux dans un instant. Une espèce sur 8 de notre planète risque de disparaître d'ici moins de 100 ans. C'est le rapport de l'IBES, le GIEC de la biodiversité, qui est limpide et nous devons changer notre rapport à la planète. C'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Et oui Mathieu, et il ne s'agit plus de petits pas ou de subventions supplémentaires. Nous devons changer le modèle économique mondial car le capitalisme est en train de détruire le vivant. C'est une partie des conclusions du premier rapport mondial de l'IBES, la plateforme intergouvernementale et politique sur la biodiversité. Alors 145 experts de plus de 50 pays qui viennent de produire un texte après négociation. Il est paru à 13h aujourd'hui et il détaille en 1700 pages l'impact de l'homme sur la biodiversité qui va très très mal. Pour en parler, nous recevons Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et vous êtes aussi suppléant du directeur de l'IBES qui est Robert Watson. Oui. Alors il y a un seul chiffre qu'on retient partout de ce rapport, c'est ce 1 million d'espèces menacées, la moitié considérée comme mort-vivante dans le rapport, quasiment condamnée. J'imagine que vous êtes pas du tout surpris par ces chiffres. Pas du tout, parce que ils ont analysé en fait 15 000 publications scientifiques. Et quand on est un chercheur qui travaille là-dessus, on les lit avant. Donc effectivement, leur information vient de papiers qu'on a déjà lus. Les travaux qui ont été faits sur les insectes volants, sur l'effondrement des oiseaux dans les territoires agricoles en Europe et ailleurs. Ce dramatique résultat de papier australien récemment, il montre que partout dans le monde, partout, les insectes volants qui pourtant étaient réputés indestructibles, ils sont là depuis tellement longtemps, s'en vont à une vitesse aussi inconsidérée. En Allemagne, 75% de ce qui volait a disparu sur 27 ans. Et s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux non plus. On parlait d'écologie tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est très très préoccupant. Et la vraie question, c'est pourquoi, alors qu'on le sait depuis un certain temps, on fait pas grand-chose. Je me rappelle les paroles du président Chirac en 2002 à Johannesburg, quand il dit, d'ailleurs des mots suggérés par Nicolas Hulot, je l'ai appris récemment, « La maison brûle et regarde ailleurs ». Et on s'engage en 2002 à arrêter l'effondrement du vivant pour 2010. L'année que les Nations Unies vont dédier à la biodiversité. À l'époque, j'étais le président du Musée de l'Histoire Naturelle et j'ouvre le débat à l'UNESCO ici à Paris. On constate qu'on n'a pas du tout réussi. Et là, je vois ce que fait l'humain aujourd'hui. Ah, on n'a pas réussi. On reporte les chances à 2020. Alors, je dis souvent, est-ce que c'est le dernier mois de 2019, qui va être dans pas très longtemps, qu'on va réussir quelque chose? Et la vraie question, c'est pourquoi, alors que l'on sait que ça se produit comme ça, on continue, en plus, avec une vive accélération? On va bientôt passer à un stade emblématique où plus d'espèces seront menacées d'extinction que celles qu'on connaît réellement. Combien est-ce qu'on en connaît sur la planète? 2,4 millions. Mais tout, On se rapproche. On parle tout. Bactéries, ouais. Protistes, ces grosses cellules à noyaux que sont les microalgues de l'océan et les levures, Et sans levures, on n'a pas de pain, on n'a pas de vin, Les champignons, les animaux et les plantes. Tout ça, c'est à peu près ça, l'humain dedans, bien évidemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime, moi j'irais beaucoup plus que 18, je pense qu'on peut aller à 20 millions. On fait du séquençage massif de fragments d'océans ou de sols de forêt tropicale, on en connaît 10-12%. Quand vous parlez d'effondrement, est-ce que vous parlez de la taille des populations ou du nombre d'espèces? Non, je parle de la taille des populations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu connais de disparu en Europe depuis 40 ans? un invertébré marin, moi qui suis un marin, qui s'appelle Corambi batava, qui est une petite porcelaine, un petit coquillage, qui ne vivait qu'en Hollande. Il y a 50 ans, il y avait des beaux rochers, comme sur les côtes de Bretagne. Vous allez la chercher aujourd'hui, ce sont des champs avec des vaches. Donc Corambi batava s'est éteinte dans l'indifférence générale. On a très peu d'exemples comme ça, puisque ça bouge en fait. On voit des espèces par contre qui disparaissent de France. Hein. Mm-hmm. Le traquet rieur, que connaît bien mon ami, il est parti. Mais il est toujours en Afrique du Nord. Et c'est, puis en c'est François Moutou, votre ami à votre droite, hein, parce que les auditeurs le voient pas. C'est François, c'est vrai. Très juste, très bonne remarque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui aussi on observe beaucoup, qui est très important, c'est une dramatique réduction des aires de répartition de ces animaux. Le guépard était tout à fait en Asie et en Afrique. Il doit rester, je sais pas, les 50 guépards en Iran aujourd'hui, et tous ils restent même en Asie. Même pas, oui. Même pas. Alors, 50. Oui, Gilles Leveuf, d'ailleurs, vous en parlez, l'une des grandes nouveautés de ce rapport, c'est l'hiérarchisation des causes, en tout cas des facteurs qui impactent cette biodiversité. Et ce qui arrive en tête, c'est la perte d'espace pour, bien sûr, pour le vivant. D'espace et de milieux. On détruit les écosystèmes. Et c'est vrai que les forêts tropicales partent à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Or, on sait bien au muséum, nous, que plus de la moitié de ce qui est décrit aujourd'hui sur la Terre vient de trois gisements, le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud et les deux grandes îles en Asie qui sont Bornéo d'un côté et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre. Ça part, le corail. Le corail, c'est moins de 0,2% de la surface de tout l'océan et c'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Donc ça, effectivement, amène à des résultats que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est très, très préoccupant. On détruit ces milieux naturels, on les contamine horriblement. Et on contamine des zones où l'humain n'est pas. On va revenir avec sur l'exemple des bernaches au Spitsberg, en Norvège, qui n'ont jamais vu d'humain. Elles ont leur tissu bourré de pesticides, pas les actuels. Ceux qu'on mettait sur les champs il y a 70 ans, destruction, pollution. Les plastiques, évidemment, ont fait la une de beaucoup de choses. La dissémination de tout partout. La surexploitation d'espèces qui sont ciblées. J'étais avec le président de Zambie il y a quelques temps, et il me disait en Zambie, on avait 2000 rhinocéros il y a 20 ans. Zéro, pas un aujourd'hui. Enfin, deux ramenés d'Afrique du Sud avec un ranger à côté. C'est plus un animal sauvage. Et enfin, le climat qui change, bien sûr, qui arrange pas les choses. On va écouter rapidement une interview de Robert Watson, qui est le président de l'IPBES. C'était en mars dernier et on lui demandait comment allier protection de la nature et économie, justement. La nature est un atout majeur que nous possédons et que nous devons gérer de manière durable. Et si nous la gérons de manière durable, elle aidera notre croissance économique à créer des emplois. Et donc la question est de savoir dans quelle mesure une société capitaliste est compatible avec la nature. Gilles Bob, j'imagine que cette question du capitalisme, elle est abordée et elle est dans le rapport directement. Bien entendu. Le capitalisme, en fait, non encadré. Vous savez, il y avait un célèbre capitaliste norvégien qui disait en 2002 « Le communisme soviétisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités des lois du marché. » Marché qu'il faudrait aussi encadrer, on est bien d'accord. Et il rajoutait « Le capitalisme non encadré s'effondrera à cause de la non-prise en compte des arguments écologiques. » On est en plein là-dedans. Alors, de quel capitalisme parle-t-on? Est-ce qu'on peut réconcilier économie et écologie? C'est une question que je me pose en permanence. Quel type d'économie? Ce que je dirais clairement pour moi, là où le bât blesse aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus supporter, et je vais être un peu solennel dans mes propos, une économie actuelle suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant la nature et le vivant ou en la surexploitant. Faut qu'on sorte de ça. Ça explique la situation actuelle. Et pour terminer sur autre chose, est-ce qu'on peut pas justement s'inspirer de la nature, sa manière de gérer les ressources, pour revoir l'économie, Gilles Leveuf, pour essayer de terminer avec un peu d'optimisme? Merveilleusement. On a fait un petit livre avec Thierry Marx, que j'aime beaucoup, grand chef cuisinier, il y a quelques mois, qui s'appelle « Ode à la libellule ». Et en fait, le vivant innove en permanence depuis la nuit des temps, depuis son existence, presque 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. Le vivant n'invente jamais une substance qu'il ne sait pas dégrader. Il fait des poisons redoutables, mais il sait le dégrader, donc il n'est pas empoisonné par ses propres produits. Il y a toujours un acheteur pour ses déchets. Le vivant innove pour tous. Ensuite, le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Et enfin, et c'est le plus beau pour moi, le vivant en permanence ne fait jamais de profit sur un système qui consiste aujourd'hui à amener à ces destructions que j'évoquais tout à l'heure. Il fait toujours ça avec un usage des choses qui est absolument le plus vertueux possible. Et ça marche depuis longtemps. Et ça revient à ma remarque de tout à l'heure. Le vivant ne maximise jamais, le vivant optimise en permanence. Gilles Leveuf, pour faire une transition avec notre dossier là juste après sur les eaux, est-ce que ça peut participer justement à la conservation de la biodiversité ou c'est selon vous quelque chose de très anecdotique? Oh, c'est entre les deux. Pourquoi pas? Moi, je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Les zoos ont fait des progrès gigantesques. Moi, je me rappelle des mouroirs que j'ai vus en Afrique en particulier. Mmh. Dans le pays de faune sauvage, leurs zoos étaient des catastrophes dans les grandes capitales africaines. Il y en a encore. Hein. Bien sûr. On a fait beaucoup. Des progrès gigantesques. Tout à l'heure, je pense que nos amis expliqueront quelques cas très, très beaux, hein, de sauvetage d'espèces vivantes à partir de parcs zoologiques. Bon, simplement, il faudrait quand même pas faire croire aux gens qu'on va sauver le vivant dans la nature grâce aux parcs zoologiques uniquement. Ils peuvent participer à quelque chose. Et moi, je terminerai sur une histoire de petit garçon. Quand moi j'étais pas parisien et quand ma tante m'amenait voir ces animaux au zoo, j'étais émerveillé. J'avais jamais vu de girafe. Et la première fois où j'avais dû voir 4 ans, je vois une girafe. Comment la nature a-t-elle pu inventer un tel truc? Et ça a participé certainement à la passion qu'est la mienne aujourd'hui. Sauf que est-ce qu'il est normal de voir une girafe à Paris, Gilles Boeuf? Bah vous savez, la première était venue à pied de Marseille, bah oui, au roi de France. Toute seule. Ouais. Et puis on l'a gardée pendant longtemps à la ménagerie du jardin des plantes. Non, bien sûr que les girafes, il faut les voir. Moi, je sais aller les voir dans leur territoire à elles. Mais n'empêche qu'aujourd'hui. Mathieu, on a tué sur 40 ans entre 51 et 97% des girafes dans les pays africains. Pourquoi ? Allez, on en parle dans un instant. C'est le dossier de l'émission et puis bien sûr la sortie de ce rapport de l'IPBES aujourd'hui commenté absolument partout. Merci beaucoup d'être passé par la tête au carré, Gilles Boeuf, aujourd'hui pour nous donner tous les détails. Merci Axel, à demain. À demain. De celle qui dort, qui dort enfin confiante et bête parce qu'elle croit que tu es son maître. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie dans les bras de celui qui dort. Orgueilleux, confiant et bête, tu sais bien qu'on s'aime encore. Alors c'est deux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Ils nous offrent la guérison. D'être le salut de nos vies, de briser la mélancolie. À la source de leur amour. Mais que font-ils de notre amour, ceux qui ont parlé la succession? Ils nous offrent que l'on oublie. C'est impossible, on s'aime encore. Alors c'est d'eux qu'on n'aime pas, qu'on aime un peu. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Marions-les, marions-les. Je crois qu'ils se ressemblent. Marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Elles nous font rire et leur colère. Et leur rire nous font pleurer. Et leur peine nous indiffère. Ils sont bien faits pour bien s'aimer. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. Mais nous deux chez nous. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. Marions-les, marions-les. Et la voix de Juliette Gréco. La tête au carré. Mathieu Vidard. Allez, entre captivité, semi-liberté, espace naturel, quel est le rôle des zoos aujourd'hui dans un contexte, on vient le voir, de perte de la biodiversité? C'est le dossier de l'émission avec mes invités. Laurence Paoli, vous êtes donc auteur de ce livre Zoo, un nouveau pacte avec la nature, c'est chez Buchet-Chastel. Alexis Lécu, vétérinaire et directeur scientifique du parc zoologique de Paris, qui fait donc ses 5 ans de réouverture. Et François Moutou, également vétérinaire et membre de cette Société Nationale de la Protection de la Nature. Et vous avez publié l'année dernière aux éditions du Pommier, Et si on pensait aux animaux? Les auditeurs nous rejoignent et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de messages de questions sur franceinter.fr. Est-ce qu'on pense aux animaux quand on monte un zoo, justement, François Moutou, pour vous? J'imagine que oui, les personnes qui font cette démarche ne peuvent pas y penser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot animal ou animaux, parce que quand même il y en a plusieurs, on a compris qu'il y en avait une grande diversité, est souvent perçu de façon extrêmement différente par les uns ou par les autres. Les animaux domestiques d'un côté, les sauvages de l'autre. Oui. Et si on prend le chien comme exemple d'animal, c'est un peu biaisé, puisque c'est un animal qui a été créé créés par l'homme à partir du loup. Et on n'a pas le même regard sur le loup que sur le chien. Mais les personnes qui ont créé des zoos, évidemment, pensaient aux animaux, bien sûr. On pense à leur bien-être avant tout. C'est ça la question centrale. Je pense qu'il y a une émotion au départ. Enfin, les quelques fondateurs de parcs zoologiques que j'ai la chance de croiser avaient surtout une émotion, une envie de faire quelque chose. Et la raison, disons, l'organisation est venue après. J'ai l'impression. Il y a eu au départ un élan. Et puis après, il a fait un peu encadrer tout ça. Alexis Lécu, justement, à quoi on pense justement quand on ouvre, comme vous, il y a 5 ans, le parc zoologique de Paris, en tout cas quand on le réinvente totalement? Et je pense que c'est une chance quand on a la chance de pouvoir réinventer un parc de toutes pièces, puisqu'on a vraiment réouvert et tout changé. La première chose qu'on met dans le cahier des charges, c'est le bien-être animal, effectivement. C'est la chose qui dicte tout. Et qui dicte même quels animaux vont être là et quels ne vont pas être là. Mais ça veut dire quoi, le bien-être animal, quand, par exemple, on fait venir une girafe africaine à Paris, à Vincennes en l'occurrence? C'est de pouvoir recréer un semblant de milieu, ou c'est totalement impossible à faire et il s'agit d'autre chose? Il y a des espèces sur lesquelles c'est très compliqué, voire impossible. Il y en a d'autres. Si vous prenez l'exemple de la girafe, on sait très bien dans le milieu naturel quels sont ses besoins alimentaires. On sait très bien quelles sont ces fourchettes climatiques. Oui, c'est ça. Le bois de Vincennes n'est pas la savane. Non, mais le bois de Vincennes contient beaucoup de plantes et d'arbres et qui ont des feuilles qui sont tout à fait assimilables et qui profitent bien à nos girafes. Nous, on a les bûcherons du bois de Vincennes nous fournissent tout l'été en branchage pour nos girafes qui en raffolent. Quand bien même c'est pas de l'acacia africain, ça marche très très bien. Justement, l'espérance de vie d'une girafe en captivité, ça donne quoi par rapport à son milieu naturel? Alors là, on a la chance, je pense, d'avoir la girafe doyenne, alors qu'il est, on peut largement dépasser les 30, voire 34 ans en captivité. Vous pouvez presque diviser par deux, en tout cas autour de 20 ans dans le milieu naturel. C'est parce qu'il y a tout un tas de problématiques qui sont liées au milieu naturel. La prédation, peut-être la première? Non, malheureusement, la prédation, c'est plus le numéro un de la girafe. On a toujours cru que la girafe peuplait l'Afrique et qu'il y en avait partout. En fait, il y en a moins de 100 000. Moins de 100 000, si vous comparez à n'importe quel capital ou milieu urbain, c'est rien du tout. Et non, c'est l'anthropisation du milieu qui pose problème. C'est les routes, c'est les cultures vivrières, c'est la proximité avec le bétail, c'est... Voilà. Alors il y a des endroits où on arrive à s'en sortir, c'est l'exemple du Niger justement, où on arrive à avoir une population de girafes qui remonte et qui pour autant continue à coexister à côté d'élevage, parce qu'il y a un effort humain, dans lequel les zoos sont impliqués d'ailleurs, qui fait que on a remultiplié par 2 ou 3 le nombre de girafes depuis quelques années et qu'elles continuent à coexister très très très proche avec l'homme et très proche avec les cultures et le bétail. Laurence Paoli, ce livre Zoo, un nouveau pacte avec la nature, c'est aussi une enquête avant tout, puisque vous avez pu observer en Europe et en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la façon dont justement aujourd'hui ces zoos existent. Et là, s'il fallait faire justement un historique très rapide, voir le changement, en tout cas dans la conception même de ces lieux, est-ce que c'est le cas absolument partout aujourd'hui? Des changements, vous voulez dire? Sur la façon d'envisager un zoo pour accueillir ces animaux. Ça, je pense que c'est pas le cas partout. Effectivement, ce qu'on disait, par exemple, en Afrique, je pense que c'est assez complexe. C'est le cas en Europe, de façon générale. C'est le cas en Amérique du Nord, ça c'est sûr. Amérique du Sud, il y a aussi de très très gros efforts. Mais c'est sûr que les zoos, on va dire, des endroits que je viens de citer, ont pris les missions dont on parle, Alexis, qui sont conservation, recherche et éducation. Et maintenant, ils sont vraiment orientés là-dessus. Au départ, quand vous parliez du souci des animaux de départ, au départ, les gens qui ont créé les zoos, c'était, on le sait, tout au départ, c'était uniquement une marque de pouvoir et de puissance. Parce que le départ, il est lointain. Vous le faites remonter à l'Antiquité égyptienne. Le départ est très lointain. Et c'était vraiment pour les rois, les puissants, pour montrer que, justement, ils avaient la possibilité d'établir des collections d'animaux que personne n'avait jamais vus. Après, il y a eu cette démocratisation. Et puis après, pays par pays, je dirais que les zoos sont très différents. En France, par exemple, comme le disait François, les gens qui ont créé les zoos, c'était principalement, c'est assez marrant, des personnes privées, folles d'animaux, qui n'avaient pas forcément de bagage scientifique et qui avaient envie d'avoir leurs animaux et qui créaient des parcs. Et puis, ces gens-là se sont entourés de scientifiques, les missions des zoos ont évolué, ils sont maintenant, ils ont eu des enfants qui ont fait des études plus scientifiques, ils ont des directeurs qui sont souvent des vétérinaires comme Alex, et en fait, ils ont adopté les fameuses missions dont on parle et ils sont devenus maintenant des établissements où, effectivement, le bien-être animal est extrêmement pris en compte. plantes où on travaille vraiment sur la conservation. Ouais. Est-ce que la perception du public, elle aussi, a beaucoup changé ces dernières années, et pas forcément dans le bon sens, d'ailleurs, parce que vous parlez d'un certain désamour quand même, hein, toujours vis-à-vis de ces lieux. La perception du public, elle est très bizarre. En fait, les zoos quand même du monde accueillent 700 millions de visiteurs par an. En France, on est à 20 millions. En Europe, on est à 130 millions. Ça veut quand même dire que les gens aiment venir aux zoos et qu'ils en ont envie. Donc, il y a quand même une demande, une appétence pour ces visites. Alors, on met ça basiquement sur le côté récréation familiale, promenade avec les enfants. Divertissement. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le plaisir de se reconnecter avec le vivant, d'aller voir des espèces qu'on peut pas forcément voir en voyageant. Tout le monde ne peut pas voyager, être en contact avec l'animal. Voilà. En même temps, ce même public culpabilise. Donc, il a besoin d'être déculpabilisé. Il a besoin de se dire que les animaux qu'il vient voir sont bien traités, sont en forme, sont heureux d'être là et que ça fonctionne et que derrière, il y a une autre finalité que simplement venir visiter un parc et passer un bon moment. Alors, François Moutou, il y a la question des zoos et puis celle aussi des aquariums ou des delphinariums, par exemple. Et là, on reçoit des messages très virulents et c'est pas très étonnant. D'ailleurs, Linda qui nous dit, je ne pense pas que les delphinariums soient des lieux faits pour la biodiversité, mais bien des prisons, des lieux d'esclavage pour ces animaux. Ça devrait être interdit et puni par la loi. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'exemples récents ont beaucoup marqué les esprits, hein. C'est sûr que les delphinariums, je les mettrais dans un domaine tout à fait différent des parcs zoologiques classiques. Et pourquoi alors ? Parce que ce sont des animaux, d'abord il y a très peu d'espèces de mammifères marins qu'on est capable de cétacés, j'entends, je parle pas des pinnipèdes, donc les baleines, les dauphins, les marsouins, il y a assez peu d'espèces que nous sommes capables de maintenir en captivité, parce que faire des grands bassins à l'échelle de ces animaux, de leurs besoins qu'on ne connaît pas bien, c'est extrêmement coûteux et objectivement on n'a pas sans doute l'espace disponible, c'est plus simple sur terre que dans l'eau, et quelquefois on est forcé de faire des spectacles pour attirer du monde. Il y a côté commercial qui quand même est un peu gênant. J'imagine mal qu'on peut prétendre qu'on va sauver les espèces de cétacés dans ces conditions-là. Et récemment, vous savez qu'il y a un arrêté qui a été passé qui n'interdisait pas, mais qui bloquait toute reproduction et toute réintroduction dans les bassins, qui a fini par être cassé parce qu'il y a des pressions dans tous les sens. Est-ce que vraiment, au-delà de l'éducation, de l'information, on apprend vraiment quelque chose dans ces delphinariums? En tant que vétérinaire, à nouveau, la seule chose que je vois de positive, c'est l'accès aux soins d'animaux blessés qu'on pourrait soigner, qu'on pourrait retaper, qu'on pourrait éventuellement relâcher à terme. Mais sinon, et au-delà de 10 mètres de long, c'est vraiment encombrant quand même. Laurence Paoli, sur cette question des aquariums, alors Pas des aquariums. Alors, les delphinariums, voilà. Je rejoins assez François. Je défends pas les zoos envers et contre tout. J'essaye de faire un constat objectif sur leur rôle réel. Effectivement, j'ai du mal aussi là-dessus. En revanche, l'arrêté a été cassé parce qu'il était, je crois, je ne veux pas trop m'avancer, devenu aberrant, puisque d'un côté, il demandait des travaux extraordinairement conséquents aux aquariums, delphinariums, et des travaux qui étaient nécessaires. Et de l'autre côté, il leur interdisait, on va dire, d'exploiter leur cheptel. Donc, il fallait investir des millions pour se dire en même temps qu'on allait fermer très rapidement. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut effectivement améliorer au maximum. Après, est-ce que ces animaux ont leur place en captivité ça se pose pour eux comme pour d'autres catégories d'animaux qui parfois, effectivement, peuvent poser des soucis en captivité. Lesquels ? Auxquels pensez-vous, justement ? Par exemple, les éléphants. Je pense que les éléphants doivent être hébergés d'une façon assez extraordinaire. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Il faut vraiment qu'on leur donne un cadre de vie qui est souvent qu'on n'est pas en mesure de leur donner. Il leur faut un espace fou, en fait, pour qu'ils soient bien, par exemple. Alexis Lécu, toujours sur la question des delphinariums. C'est vraiment quelque chose à part, selon vous, dans... Complètement. Je pense que c'est de l'évolution à prouver que c'est quand même une espèce de mammifère qui est revenu dans le milieu marin, que d'autres dans l'évolution, c'est ça, c'est un dauphin. Et c'est une boule de récepteurs sensoriels, en fait. Et un orque. Donc c'est assez, ont vraiment une situation particulière l'arbre évolutif des mammifères. Et effectivement, à chaque fois qu'on met un animal en captivité, il faut se poser la question de est-ce qu'on peut lui offrir tout ce qu'on doit en termes de bien-être, et il y en a pour lesquels c'est facile, et il y en a pour lesquels c'est très très compliqué, voire coûteux, voire déraisonnable, parce que ce serait trop d'argent investi pour l'avoir en captivité et pas faire le reste des objectifs. Donc je pense que pour des espèces comme les cétacés, et je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'un point de vue très pragmatique, on commence à arriver à une barrière juste... physiologique et économique, en se disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller recréer le milieu marin avec tous ces changements de pression, de courant, on parle de 27 dauphins, hein, si on parle de la France, c'est 27 animaux. C'est pas sûr, effectivement. Allez, on va parler également avec les documents qu'on va entendre de toujours cette diversité génétique aussi au travers des eaux. Et c'est Florian Kichner, le chargé de programme des espèces à l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale de la conservation de la nature qu'on entend, et c'était en 2012. Ce qu'il faut voir, c'est que la crise de la biodiversité, c'est un phénomène tellement important, tellement profond, qu'on ne peut pas s'attacher à conserver toutes les espèces en les préservant chacune dans les eaux. Donc avant ça, il faut bien sûr agir en préservant les espèces dans leur milieu, c'est-à-dire protéger les écosystèmes, faire des aires protégées comme des parcs ou des réserves, et puis lutter contre les pressions, lutter contre la surpêche ou contre la déforestation. Donc pour garder des écosystèmes sains avec toutes leurs espèces. Mais une fois qu'on fait tout ça, il y a quand même des espèces qui sont en très grand danger d'extinction. Et là, les zoos et les parcs zoologiques ont un rôle déterminant à jouer. Et on a plusieurs très bons exemples d'actions de conservation qui ont permis de sauver des espèces de l'extinction grâce à l'action des zoos. Voilà, Laurence Paoli, on entend bien la hiérarchisation aussi des priorités par rapport à certaines situations. Quand évidemment on peut favoriser le milieu naturel de ces animaux, bah, autant le faire, mais parfois ça n'est pas toujours possible. Donc dans ce cas-là, bah, il faut se donner des priorités. Oui, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que les zoos interviennent effectivement dans leurs murs pour élever des espèces qui sont en voie de disparition, mais interviennent maintenant énormément dans la nature. L'exemple que donnait Alexis au niveau du Niger, c'est un projet qui a été quasiment intégralement financé par un parc zoologique qui est le bioparc de Douai-la-Fontaine. En fait, il est intervenu sur les populations locales. J'ai participé à ce projet à sa création, donc je le connais très très bien. On est intervenu sur les populations locales humaines en leur disant voilà, on va vous apporter entre guillemets des aides économiques et des aides pour être moins en concurrence avec les girafes. Les girafes en fait se baladaient dans les champs de mil, cassaient le mil, mangeaient les mangues et les haricots qui étaient plantés. C'est un pays d'une affreuse pauvreté. Vous imaginez bien que si on vous supprime un tout petit peu de variété alimentaire, c'est un drame. Donc effectivement, il fallait arriver à bloquer ça. Donc en travaillant avec des microcrédits, en travaillant à établir des cultures de contre-saison, en creusant des puits, en faisant des choses comme ça et en soutenant une association locale. Et c'est ça. C'est très important. C'était une association locale montée par des locaux et tenue par des locaux. Eh bien, on est arrivé effectivement à mettre en place un équilibre dans la fin. On est arrivé. Le bioparc de Douai-la-Fontaine et l'association de protection des girafes du Niger sont arrivés à mettre en place un équilibre qui a fait qu'effectivement, ces animaux qui étaient moins de 50 à un moment donné sont montés au dernier comptage à 600. Alors après, se posent des questions scientifiques parce que là, on parle effectivement de conservation, mais pas de science. Et des questions scientifiques, quand vous arrivez à ce nombre de girafes, à un moment donné, il faut effectivement commencer à analyser ce qui va se passer, parce que les girafes, elles, commencent à réexercer une pression, c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude, c'est pas la pression anthropique, mais la pression des animaux sur les cultures, parce qu'elles sont trop nombreuses. Et il y a une translocation qui a été organisée derrière, avec une analyse scientifique qui a été faite pour en mettre plus au nord, je crois. Donc, la question est la même pour les éléphants, d'ailleurs. Oui, il y a les mêmes problématiques. C'est similaire dans des pays africains. Voilà, mais donc c'est pas les eaux d'un côté et la protection de la nature de l'autre sur le terrain, c'est que les parcs zoologiques fournissent aussi énormément d'aide sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils fournissent. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore d'ailleurs. Mais c'est l'argent. Alexis Lécu. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'on parle beaucoup des éléphants et des girafes. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais qui est aussi au titre des eaux, c'est de s'occuper de ce qu'il y a juste à côté de chez nous. Et ça, c'est ce qu'on fait le mieux parce que c'est les choses qui sont dans notre climat, dans notre environnement. Et il y a des parcs zoologiques qui travaillent là-dessus. Alors effectivement, c'est moins spectaculaire que de sauver un cétacé ou un grand mammifère. Mais quand la réserve de la Haute-Touche qui appartient au muséum s'occupe des cistudes, qui est une petite tortue qu'on trouve en Savoie, participe à la réintroduction, à l'élevage et à la réintroduction de ces animaux. Quand le muséum de Besançon fait la même chose sur des petits poissons qui l'apron du Rhône ou sur les écrevisses, tout ça, c'est juste à nos portes, c'est dans nos fleuves, c'est dans nos territoires. Et c'est très important. Nous, on élève au parc zoologique une espèce de triton qui est toute petite, qui fait quelques centimètres de long. Il n'en existe plus que dans un seul lac proche de l'ex-Yougoslavie. C'est vrai que c'est moins sexy qu'une girafe ou un exactement. Panda. Exactement. Mais c'est plus facile. S'il faut mettre une ou deux girafes pour drainer l'argent suffisant pour faire ça, pourquoi pas. Allez, encore deux questions avant de faire une petite pause. Jean-Louis qui nous dit « Je suis passionné de zoo, mais je suis toujours triste que mes enfants n'aient vu justement que des kilos de girafes, mais jamais de blaireaux, de renard ou de sanglier. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, c'est toujours bien de pouvoir se servir d'un produit d'appel, qu'on pourrait dire, un lion, et d'à côté, faire tourner la tête aux gens et qui regardent un insecte qu'ils ont chez eux. Il existe en France des parcs qui ne s'occupent que de faune européenne, voire de faune française. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même accroche que le grand panda ou les tigres de Sumatra, mais s'il y a des gens intéressés, il faut aller voir ces parcs-là, il faut les encourager, parce que on parle des girafes au Niger, mais on n'a peut-être pas de leçons à donner à grand monde si on n'est pas capable de gérer chez nous. Je parle pas que des loups et des ours, mais aussi nos tritons et nos petits crapauds accoucheurs. Mmh. Allez, on y revient dans un instant. Beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr, la question des eaux aujourd'hui dans la tête au carré. Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, visage pâle, dans une tour d'ivoire en rase campagne. Mais elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel elle te rend. Chacun de tes gestes, elle te prend le vitesse. C'était Les Innocents. La tête au carré sur France Inter. Il y a aujourd'hui des militants derrière moi qui luttent contre le mensonge que les zoos, le mensonge que les parcs animaliers continuent à entretenir depuis une trentaine d'années. Ben, il faut savoir que dans les années 80, sous la pression justement d'activistes comme nous, on a fait changer un petit peu tout ce qui est au clos avant pour trouver normal d'avoir un lion dans 2 mètres carrés dans la cage comme ici derrière. Maintenant, sous notre pression, les eaux évoluent. Donc, en les années 80, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont fait passer pour les arches de Noé. Donc, chez nous, les animaux sont protégés. On est là, on fait des programmes de préservation, de réintroduction. C'est totalement faux. Il faut savoir, je prends toujours ce cas des 30 ans. Sur les 30 dernières années, je suis certain qu'il n'y a même pas 100 individus qui ont été remis sur le terrain. Viable, je parlais, donc au niveau de la préservation. Mais à contrario, sur cette période de 30 ans, il y a 120 000 animaux qui ont été abattus dans les eaux d'Europe. Donc chaque année, il y a 4 000 animaux qui vont être abattus parce qu'ils ne répondent pas à un ADN qui est prérequis par l'ISA. Et ces animaux sont simplement abattus. Ou qu'il y en a trop qui sont sédentaires, ils ne chipotent pas, ils les abattent. Voilà un Belge, Jean-Michel Stas, qui critique l'Association européenne des eaux et aquariums, l'EASA, et c'était à l'occasion d'une manifestation en Belgique. Alors il emploie des mots assez forts en parlant du massacre des animaux au sein même des eaux. Pourquoi y aurait-il des massacres, Alexis Lécu, au sein des eaux? On se débarrasse de certaines espèces? Non, d'abord, il faut savoir que l'EASA prononce des recommandations. Et que chaque pays, par contre, lui, après, a ses réglementations propres. Et donc, déjà, il y a tout un tas de pays où c'est pas toléré. Ensuite, il y a des politiques par parc zoologique, par site, ouais, qui choisissent comment réguler, parce que le problème éternel, c'est celui de ce qu'on appelle les surplus, c'est-à-dire des animaux qui reproduisent tellement bien en parc zoologique qu'on ne peut plus les placer en parc zoologique, il n'y a plus de place. Alors comment on fait dans ces cas-là? En fait, ce que l'EASA fait très bien, c'est qu'elle anticipe ce genre de problème, et que pour un plan d'élevage, normalement, il y a un coordinateur qui doit voir 5 ans, 10 ans en avant. Comme ce que disait un peu Laurence pour les girafes qui deviennent 600 et qui peuvent avoir des, ce qui peut avoir des conséquences. Et le coordinateur, il est là pour dire, bon ben voilà, cette année, on va plus mettre que tant d'animaux à la reproduction. Les autres, on va les mettre en stand-by. Parce que sinon, dans 10 ans, on aura un problème de surplus. Donc on travaille sur la prévention avant tout. Les gestions des surplus, après, on arrive sur le cas de Marius qui avait été très médiatisé, la girafe. Ça, après, c'est des gestions localisées et qui ne reflètent absolument pas la politique générale ni de l'EASA, ni de tous les parcs zoologiques, qui sont plutôt dans l'anticipation et de savoir si on fait naître un animal, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on va le réintroduire? Est-ce qu'il va renforcer la population captive? Ou est-ce que finalement on n'a pas d'objectif et à ce moment-là, il vaut mieux pas le faire reproduire? Allez, quelques questions d'auditeurs et puis ensuite on parle d'exemples de conservation. Patrice demande ce que deviennent les zoo-hôpitaux en France qui recueillent et soignent les animaux blessés à vocation pédagogique, à l'instar du zoo de La Haye près de Nancy, malheureusement abandonné par les pouvoirs publics. François Moutot. Oui, ça c'est un ensemble d'établissements un peu différents qui sont des centres de soins et qui sont en fait essentiellement gérés par des associations qui étaient jusque-là financées par les régions. Et là, il y a vraiment un gros gros souci. Depuis quelque temps, les régions ne financent plus ces associations. Et donc, ce sont des centres où le public pouvait rapporter un animal blessé, un jeune tombé du nid, un oiseau, un animal blessé par une voiture, un rapace malheureusement avec des plombs dans le corps, on se demande d'où ça vient, et qui essayait de les soigner, qui essayait de les réhabiliter avec une déontologie assez stricte. Certaines espèces rares étaient gardées même non relâchables parce qu'elles pouvaient se reproduire, et c'est le cas des rapaces qu'on pouvait relâcher. Oui. D'autres étaient euthanasiés parce que c'était pas jouable et on savait qu'on ne pourrait rien en faire. Et il y a aussi beaucoup d'informations, beaucoup de pédagogie par rapport au public, et c'est une façon modeste de compenser les animaux écrasés sur les routes, les animaux tués par les pesticides, les animaux braconnés à l'époque de la chasse. C'est une petite fenêtre qui permet éventuellement de compenser un petit peu tous les déboires qu'on fait subir à la faune sauvage. Mais il y a un gros souci actuellement de financement, et je pense qu'il faudra chercher des mécènes privé parce que le public ne veut plus suivre, et c'est vraiment dramatique. Dont les parcs zoologiques. Oui, et les parcs zoologiques peuvent aider, bien sûr. Alors justement, sur la question financière, Alexis Lécu, Thierry demande sur franceinter.fr, la situation des zoos est-elle globalement bonne financièrement et reverse-t-il une quote-part à la protection des animaux dans leur pays d'origine pour poursuivre justement sur ces liens dont on parlait tout à l'heure, qui sont assez méconnus d'ailleurs du public? Oui, cette quote-part, elle est obligatoire. Alors la situation des zoos, elle est aussi diverse qu'il y a autant de zoos, autant de situations économiques. Cependant, il y a une obligation de reverser et d'avoir une action qui n'est pas forcément que économique d'ailleurs. Si je prends l'exemple justement du muséum, nous on gère de l'argent public, et donc on a un peu du mal à dire qu'on va donner de l'argent à d'autres associations, pourquoi celle-là et pas une autre. Par contre, on a une action technique, on a une action d'expertise, on a une action vétérinaire, d'aide, d'assistance concrète, qui n'engage pas forcément un chèque, mais qui peut engager une aide sur le terrain dans les pays justement d'où viennent ces animaux qu'on présente au public. Simon nous dit qu'on arrête avec le refrain « conservation du patrimoine génétique ». Si nous devons en arriver là, c'est que c'est déjà trop tard. Ou alors pour les espèces réintroductibles, créons de petits centres de reproduction sur place, mais pas besoin de ces structures démesurées qui me donnent l'impression de faire un concours à celui qui aura la plus belle collection. Quel business, tout cet argent brassé par cette fréquentation et des dépenses inouïes pour la construction de structures toujours plus extravagantes. Laurence Paoli, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? fascinant. C'est un ancien soigneur animalier. Hein, ouais, mais qui bon, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à répondre. Moi, je pense que ces structures sont importantes et je pense que le rôle des zoos dans nos pays a du sens. Évidemment, protéger, encore une fois, je répète, que protéger sur le terrain est quelque chose de capital et que les zoos le font aussi. Malheureusement, ça n'est pas toujours possible. Parfois, on tombe sur des pays en guerre, on tombe sur des écosystèmes extraordinairement détruits, on tombe sur des problèmes de financement qui sont absolument insurmontables. Donc, normalement, c'est cette complémentarité qui doit exister et pas l'un à la place de l'autre. François Moutou. Oui, mais je crois qu'on ne peut pas compenser la vue d'une girafe en vrai. Ça, c'est à celle d'une image de girafe en vidéo sur un écran, etc. Et tout le monde ne peut pas aller les voir dans leur pays. Oui, mais faut-il les voir quand justement elles ne sont pas dans leur pays? C'est ça aussi la question. Pour motiver des gens, pour les sensibiliser. Moi, je pense que le rôle essentiel, c'est la sensibilisation, la pédagogie, l'information. Et vraiment voir soi-même une girafe avec ses yeux, la sentir, l'entendre marcher, rien ne pourra le remplacer. Et si c'est le prix à payer pour sauver la population ou les populations qui restent dans leur pays d'origine, je crois que il faut le tenter. Ouais. Surtout que ces animaux sont déjà là. Laurence Paoli. Je cite un petit exemple rapide, en fait, que j'ai vécu personnellement quand je travaillais aux Eaux de Vincennes. J'ai dû accueillir une école d'enfants à problème un jour pour leur parler de conservation. Franchement, ils en avaient rien à faire. Ils avaient 14 ans, c'était le cadet de leurs soucis. Et à un moment donné, désespéré, au bout d'un quart d'heure, je me dis, mais il faut sortir de ça. Je vais aux girafes. À l'époque, on pouvait toucher les girafes, rentrer dans les coulisses, les caresser, c'était extraordinaire. Et donc, je deal avec les soigneurs des girafes et on fait rentrer les gamins qui ne voyaient pas du tout ce que j'allais leur faire faire et qui s'en fichaient totalement, deux par deux, pour voir les girafes. Et c'était des portes qui faisaient 5 mètres de haut, on les écoulissait et on se retrouvait devant les jambes des girafes qui se penchaient, qui vous reniflaient, qui vous soufflaient dessus. Alexis, t'as connu ça, c'était extraordinaire. Ouais. On peut toujours le faire. Voilà. Et les gosses, les deux premières, je me souviens, j'ai chopé deux filles qui gloussaient, je les ai collées devant, elles se sont arrêtées net, elles étaient sidérées, elles n'en revenaient pas, elles avaient des larmes aux yeux. Mais voyez, Laurence Paoli, ce que vous dites, c'est intéressant, sauf que en ce moment même, certaines associations font des campagnes pour dire justement, il ne faut pas toucher les animaux, il ne faut pas se montrer avec des animaux parce que ce sont des démarches invasives. On ne le fait plus ça, on ne le fait plus. Mais ce que j'ai pu constater de visu à ce moment-là, c'est l'impact de la présence réelle de l'animal face à vous. Et ça, c'était incontournable. Moi, je vivais là-dedans et je le faisais tous les jours et j'en profitais. De faire ça avec ces gosses, ils sont ressortis tous complètement émerveillés, ils m'ont posé plein de questions sur la conservation, ils étaient motivés par les girafes et ça fonctionnait. Donc maintenant, la pédagogie dans les parcs est quelque chose de capital, comme le dit François. Il faut, sans avoir ce contact, parce qu'on sait maintenant que c'est pas bon pour les animaux, qu'on essaye de moins les imprégner, qu'il ne faut pas les apprivoiser, sans avoir ce contact direct ou en tout cas le moins possible, essayer de motiver les gens et de leur montrer ces animaux en vrai et ça change tout. Alexis Lécu, est-ce que tous les animaux arrivent à s'adapter à la captivité justement, ou est-ce qu'il y a aussi des échecs nombreux ou pas? Comment est-ce que vous l'évaluez ça précisément? Là encore, c'est quelque chose qu'on travaille dans l'anticipation. On se pose la question avant d'avoir l'animal. Après, il peut toujours arriver des problèmes sanitaires, des problèmes infectieux qui sont aussi difficiles à anticiper qu'avec avec l'humain. Mais tout est dans la préparation. Je vous le dis d'autant plus que ce parc zoologique de Paris, on l'a réouvert il y a 5 ans. Donc, on s'est posé ces questions. On a profité justement des échecs ou des problèmes que d'autres ont rencontrés ou des bonnes idées que d'autres ont trouvées pendant des années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun échec? Tous les animaux s'intègrent parfaitement? Non, bien sûr, je vous dis pas ça, mais on a suffisamment de recul sur un grand nombre d'espèces en captivité, qui est rien par rapport aux millions dont on vient de parler un peu plus tôt, pour savoir que zootechniquement, il suffit de se donner les moyens et de réfléchir, de se mettre à la place de l'animal. Et la plupart du temps, on arrive à résoudre 99% des problèmes rien qu'en faisant ça. C'est un problème de moyens à mettre au départ, en fait. Il faut bien réfléchir à l'objectif qu'on veut donner et se donner les moyens de ça. Et si on peut pas, s'il y a une incertitude sur l'un ou sur l'autre, il vaut mieux s'abstenir. Alors, je remarque qu'on en revient toujours aux girafes, décidément, dans cette conversation. Mais François Moutou, à l'échelle de la planète et à la lumière de l'expérience des zoos aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce qu'on peut estimer qu'on a sauvé beaucoup ou au contraire pas grand-chose de la biodiversité? On a sauvé quand même quelques espèces. Moi, je vais prendre un exemple en France. Les vautours fauves, par exemple, qui sont des grands rapaces nécrophages qui mangent les cadavres d'animaux morts dans la montagne. Avant, il y en avait en plaine, mais c'est dans la montagne qu'ils nichent, ont été réintroduits en France à partir d'individus captifs qu'on a élevés, qu'on a remis dans les volières, dans les zones où on voulait lâcher, les lâcher, qu'on a lâché avec approvisionnement de cadavres de moutons à proximité pour leur apprendre. Et les animaux, peu à peu, ont fini par prendre leur marque, à s'élancer, à s'envoler. Et maintenant, on les retrouve. Et à retourner dans le milieu naturel. Absolument. Hein. Ouais. Donc ça c'est l'objectif central. Principal, finalement. Mais, et dans le même temps, en Inde, 90% des vautours sont morts empoisonnés par un médicament vétérinaire qu'on donnait aux vaches. Et donc, aujourd'hui, on a pratiquement plus de vautours en Asie du Sud-Est. Et on va finir par en avoir plus en Europe de l'Ouest. C'est des paradoxes incroyables. Mmh. Et donc, d'un côté, on fait quelque chose de positif. Et de l'autre, sur des espèces très proches, ça s'effondre complètement pour des actions humaines. Ouais. Comme mais, conséquence. Mais est-ce qu'un zoo, Laurence Paoli, c'est toujours cette idée, finalement, de réintroduire, d'essayer, en tout cas, de réintroduire dans le milieu naturel un animal? Alors, là-dessus, c'est, ma réponse va être mitigée. En fait, moi, je suis pas scientifique et je trouve que c'est l'idée qui fait rêver. Faut-il encore que ce soit possible? Parce que, encore une fois, le milieu naturel peut être complètement dégradé. Il peut y avoir des conditions qui font que ce sont impossibles. Les scientifiques, actuellement, qui bossent sur la conservation, vous diront que les réintroductions sont un des outils à utiliser. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose de magique quand ça peut arriver. C'est arrivé pour les vautours fauves, c'est arrivé pour les vautours moines, ça arrive actuellement pour l'ibis chauve. Quand ça fonctionne, oiseau, ça porte tout le monde. Voilà, un autre oiseau, ça porte tout le monde. Ça porte les gens des zoos. Vous arrivez à ce résultat-là, c'est fantastique. Vous êtes heureux. Je veux dire, ce que vous avez fait en captivité, tout d'un coup, ces animaux sont dans la nature. Vous avez l'impression de restaurer un peu la nature originelle. Voilà. Et pour reprendre ce que tu disais, effectivement, ça s'effondre d'un côté, mais si on n'avait pas restauré l'autre, ça serait effondré d'un côté et toujours pas restauré l'autre. Donc il faut quand même se battre pied à pied pour avancer, et les réintroductions sont importantes. Et ce qui m'a frappé en faisant ma petite enquête, enfin ma grosse enquête, enfin pour moi c'était une grosse enquête. C'est plus d'un an de travail en tous les cas. Voilà, c'est qu'en fait il y a beaucoup plus de réintroductions qu'on l'imagine, ou même que les zoos en parlent. Et j'étais sidérée, j'ai cherché partout un document qui faisait le bilan des fameuses réintroductions, et j'ai dû lire les rapports de l'UICN, c'était 240 cas pour chercher entre les lignes le moment où les zoos étaient cités. Et effectivement, les rapports ne sont pas écrits par les zoos, parce que ce sont souvent des équipes de recherche, des scientifiques de terrain qui vont organiser ces réintroductions. Très souvent, les zoos fournissent les animaux ou fournissent, comme le disait Alexis, le monitoring, l'appui vétérinaire, l'appui financier et tout. Donc les zoos participent à énormément de réintroductions. Et il y en a beaucoup plus qui fonctionnent, mais sur des insectes. Ouais. Voilà. François Moutou, des espèces là aussi emblématiques comme l'ours polaire, c'est un peu illusoire de penser que le sauvetage pourra se faire grâce aux zoos, par exemple. Là, il y a un petit peu de malhonnêteté dans certaines des choses qui ont été dites autour de cette espèce. Alors d'ailleurs, paradoxalement, pour l'instant, on n'a pas de données qui montrent un infléchissement des populations. Les recensements, qui ne sont pas simples à faire, montrent depuis 10 ans plutôt un chiffre à la hausse. Soit on a mieux compté, soit il y a un peu plus. Mais on ne peut pas dire que ça s'effondre. Il y a beaucoup de malhonnêteté qui a été fait. Et puis, si vous donnez de l'argent pour sauver l'ours polaire, ça veut dire quoi? C'est comment vous allez avec cet argent-là changer le climat dans le bon sens? Ça n'a aucun sens. Ouais. Alors que ça soit une image, un animal très symbolique sur lequel on puisse faire réagir les gens par rapport au changement climatique et à son impact sur la biodiversité, bien sûr, mais pas de façon malhonnête, ça certainement pas. Alexis Lécu, Guillaume sur franceinter.fr demande s'il y a une concentration plus importante de maladies dans les zoos que dans la nature, et si oui, est-ce que les animaux peuvent supporter des traitements médicamenteux à répétition? Alors la concentration, bien sûr que non. le milieu naturel est très fourni en parasites, en tout un tas de sollicitations infectieuses. Le milieu captif, il est stérilisé de ce point de vue-là, parce qu'on a une intervention vétérinaire, parce qu'on travaille beaucoup sur la prévention. Donc non, et la plupart du temps, les animaux de parcs zoologiques en captivité ont un système immunitaire qui est moins sollicité par tout un tas de... parce qu'on les traite, parce qu'on... et qu'on les soustrait à cette pression infectieuse. Ce qui pose d'ailleurs un problème, justement, quand on parle de réintroduction, parce que si on doit ramener l'animal dans son milieu naturel, il faut le préparer aux assauts des maladies infectieuses dont il va faire l'objet. Et c'est pour préparé, ça que la plupart du temps, ça se fait pas en une génération, mais en plusieurs. C'est-à-dire que on va introduire des animaux qui vont reproduire dans l'endroit et qui vont commencer à se frotter un peu à la charge parasitaire, à la charge infectieuse, et puis leurs petits, et puis etc. Et des fois, ça prend plusieurs générations avant qu'on puisse remettre les animaux. Ce qui est tout à fait logique. Il y a des processus de réintroduction qui sont très drastiques et qui, pour certains animaux, peuvent prendre des années avant qu'on ait le premier animal qui va d'un parc zoologique revenir dans le milieu naturel. Mais si on parle vraiment, par contre, ce qui est vraiment intéressant du point de vue des maladies infectieuses, et je parle en face de François Moutou, c'est que en parc zoologique, on apprend énormément dessus. On apprend énormément sur le système immunitaire, la réaction. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diagnostiquer avant de traiter? Est-ce qu'on peut vacciner? Est-ce qu'on peut pas vacciner? Ce qui peut sauver des animaux. Alors là, pas ceux de la captivité, mais ceux du milieu naturel. Quand on n'a plus que 3000 lycaons en Afrique, hein, qui est un canidé assez emblématique, un peu patchwork d'Afrique. Voilà, il y en a plus que 3000. C'est rien, 3000. 3000, vous avez 2-3 maladies infectieuses un peu costauds. Ça peut disparaître en quelques années. Mmh. On peut se poser la question de savoir si on va les vacciner contre une maladie de carré, contre la rage, qui sont des maladies qu'on connaît chez le chien domestique et qui, justement, ils l'attrapent depuis le chien domestique. Bah, les effets de ce vaccin, pour savoir si on ne va pas faire pire que mieux, on peut justement les évaluer en captivité sur les animaux, sur les lycaons qu'on a dans le plan d'élevage des lycaons. Et sans en faire des animaux d'expérimentation, on peut apprendre à sauver des espèces, tout comme on peut apprendre à diagnostiquer la tuberculose chez les éléphants d'Afrique en utilisant ce qu'on sait des éléphants en milieu captif. Laurence Paoli, il y a d'autres cas célèbres, le diable de Tasmanie par exemple, qui était un animal très très menacé. Bah, c'est un animal menacé parce qu'en fait il a développé un cancer assez rare puisqu'il se transmet en fait par morsure. Ouais. Et les parcs zoologiques, l'Australie dès que la situation est devenue extrêmement critique, je crois qu'il y a 80 à 90% de la population qui a disparu, a prélevé des animaux pour les mettre dans des zoos en Australie, puis a décidé de faire des groupes d'animaux à l'extérieur du continent atteint par la maladie, et pour qu'on apprenne à les faire se reproduire. Ça a fonctionné, et c'est Copenhague, le premier zoo de Copenhague, qui en a reçu, qui en a envoyé dans plein d'autres zoos. Et de cette façon-là, si vous voulez, même si la maladie finissait par tuer tous les diables de Tasmanie sur le terrain, on avait de toute façon des animaux qu'on pouvait réintroduire une fois qu'elle aurait disparu ou qu'on aurait trouvé un vaccin. Il se trouve que la bonne nouvelle, il semblerait que la petite population de diable de Tasmanie qui reste dans la nature commence à être résistante à ce cancer. Donc on a de bonnes nouvelles de deux côtés. On les reproduit en captivité, on a un groupe qu'on peut réintroduire et dans la nature, ça se calme. Ouais, très vite pour terminer, Alexis Lécu, le zoo de demain. Alors parce que là, on est dans le zoo moderne d'aujourd'hui comme le parc zoologique de Paris. Mais alors si on se projette vraiment dans l'avenir, il va ressembler à quoi? Est-ce qu'il va encore beaucoup se transformer ou pas? Ah oui, oui. D'ailleurs, on voit. C'est-à-dire, donnez-nous une piste, par exemple. La première piste, c'est celle qu'on essaye de. On disait tout à l'heure, on sauvegarde l'animal et puis on oublie le milieu. De plus en plus, on commence à essayer de recréer le milieu, de plus en plus drastiquement, de plus en plus avec grandes proportions. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Les espaces et de mélanger les espèces entre elles à l'image de ce qui se passe dans le milieu. Ce qui est une bonne chose si jamais on commence à penser à réintroduction, parce qu'en fait, on commence à montrer à l'animal le milieu dans lequel il pourrait revenir un jour. Merci beaucoup à tous les trois. Laurence Paoli, donc, ce livre Enquête Zoo, un nouveau pacte avec la nature, c'est chez Buchet-Chastel. Et puis François Moutou, Et si on pensait aux animaux, c'est un livre qui est paru l'année dernière aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup à tous et bon anniversaire pour les 5 ans donc, du Parc Zoologique merci de Paris. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.